Et au niveau de la cuisine, vous continuez de cuisiner des plats arméniennes? ouais. Oui, bien sûr. Même au quotidien? Oui, bien sûr. Vous faites quoi, par exemple? Les tolmas arméniennes. Les tolmas? Tolmas. Le tolma. Oui. Même chose, on fait avec des tomates, on va dire tomates farcies, vous voyez, comme ici en français, tomates farcies, on fait des courgettes, des aubergines, à la même façon. Voilà. Chez nous, ça s'appelle le dolma d'été. L'autre, c'est le Ah dolma d'hiver. ouais, Et l'autre, c'est, voilà, c'est d'été, parce ça qu'il y a... dépend des légumes. Voilà, c'est ça. D'accord, ouais. Ça aussi, plein de gâteaux aussi, des Pâtisserie. baklava, les pâtisseries, tout, tout. Ça vient de ma mère, des grands-pères, grand-mères. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous voudriez transmettre aussi aux enfants? Ah oui, bien sûr. Oui, déjà maintenant, quand je commence à faire des gâteaux et Elle ma veut grande, goûter. non. Mais la petite, elle s'intéresse toujours. Ah ouais. Ah ouais. Elle se met sur un petit tablier, elle se met à côté de moi. Maman, je veux faire aussi. Je lui donne toujours les petites choses qu'elle comprend doucement, doucement. Comme ça, on apprend. Comme ça, moi, j'ai appris de ma mère, de ma grand-mère. Et les baklava, par exemple, comment vous Ah, faites? oh, le baklava, maintenant c'est vrai que c'est plus facile. Parce qu'avant, ma grand-mère, elle a fait elle-même les pâtes pour baklava. Il faut qu'elle fasse un tellement tendre et tellement, comment on dit, fine qu'on vous voyait À travers. à travers. Voilà. Il fallait faire tout ça à la main. Avant, elle l'a fait. Mais maintenant, mais bon, nous, on achète les pâtes tout près. Vous voyez, c'est plus D'accord. facile. Parce Vous que. achetez ça où? Très Dans, facilement. oui, ça on retrouve parce que nous on a une épicerie à Marseille, arménienne, spécialité arménienne. Donc vous allez à Marseille pour acheter Voilà, les exactement. ingrédients. Oui, tout ce qu'il faut. Une Voilà. fois par mois, vous achetez Non, même plus. deux fois par mois. Oui, Ouais. oui. Oui, Et vous y allez que pour ça ou vous faites d'autres... oui. Oui, mais il y en a d'autres choses, des spécialités qu'on achète chez eux. Donc c'est pour faire vos courses que vous allez à Oui, Marseille? mais surtout on Spécialement pour achète ce magasin spécialement, arménien. voilà. Mais bon, dans la vie quotidienne, je ne peux pas aller chaque jour aussi non plus à Ouais. Marseille. Mais bon, pour la fête, si on fait des anniversaires, des quelque chose comme ça, on fait des achats là-bas. D'accord. Ouais. Et alors, baklava, maintenant vous achetez la pâte fimo là-bas. Ouais. Et après, comment Et vous faites? après, on prend des noix, on le fait Écrasé. écrasé avec un peu de sucre et on met sur un plateau, on met des pâtes. Après, on met un petit peu d'huile, pas d'huile, des beurre fondu. On met un petit peu aussi des noix. On le recouvre d'autres pâtes et ensuite de suite. Vous faites plusieurs couches comme ça, Voilà, et chaque d'accord. couche jusqu'à la fin. Et on le fait, on le met dans le four, en préalablement coupé. Voilà, on le met dans le four jusqu'à couleur dorée. D'accord. Et après, on fait un petit sirop avec des viandes. Un sirop Et avec... sirop, et on le met de suite. Le sirop, c'est fait avec quoi? Sirop avec du sucre et de Avec du l'eau. sucre et de l'eau. Oui, d'accord. Ouais, C'est vous ouais. qui faites le sirop. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Voilà.